France, mère affligée. Je veux peindre la France, une mère affligée, qui, entre ses bras, de deux enfants chargés. Le plus fort, orgueilleux, empoigne les deux bouts des tétins nourriciers. Puis, à force de coups d'ongles, de poings et de pieds, il brise le partage dont nature donnait à son baisson l'usage. Ce voleur acharné, Ésaü malheureux, fait dégât du doulé qui doit nourrir les deux. Si que pour arracher à son frère la vie, il méprise la sienne et n'en a plus d'envie. Mais son Jacob, pressé d'avoir jeûné ainsi, ayant dompté longtemps en son cœur son ennui, à la fin se défend, et sa juste colère rend à l'autre un combat dont le champ est la mer. Ni les soupirs ardents, les pitoyables cris, ni les pleurs réchauffés ne calment leurs esprits. Mais leur rage les guide et leur poison les trouble, si bien que leur courroux par leurs coups se redouble. Leur conflit se rallume, et fait si furieux que d'un gauche malheur ils se crèvent les yeux. Cette femme éplorée, en sa douleur plus forte, succombe à la douleur, mi-vivante, mi-morte. Elle voit les mutins, tout déchirés, sanglants, qui, ainsi que du cœur, des mains se vont cherchant. Quand pressant à son sein d'une amour maternel, celui qui a le droit et la juste querelle, elle veut le sauver, l'autre, qui n'est pas là, viole en poursuivant l'asile de ses bras. A donc ce père le lait, le suc de sa poitrine. Puis, aux derniers abois de sa proche ruine, elle dit « Vous avez, félon, ensanglanté le sein qui vous nourrit et qui vous a porté. Or, vivez de venin, sanglante géniture, je n'ai plus que du sang pour votre nourriture. »